Foudre et rien d'autre. Gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. C'est la foudre et rien d'autre. Rien d'autre. Tiens, gigawatts, c'est la foudre et rien d'autre. Subconscious.